Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer, Seigneur? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Oh, si que tu es excellent. Toi-même qui m'as donné le souffle de vie. Toi-même qui m'as protégé. Lorsque je t'ai invoqué, Père, tu m'as répondu. Alléluia. Alléluia. Je reçois notre reconnaissance en ce jour, Jésus-Christ de Nazareth, et que la gloire te revienne.